Formes inédites. J'ai envie de tâter du marbre noir. Une forme a germé dans ma tête il y a quelques jours. Depuis, elle pousse. Elle occupe à présent tout l'espace, s'invitant dans mes pensées quand cela lui pique, pour les détourner vers elle. La forme ne demande qu'à éclore. Et si l'on me permet de filer la métaphore, je commence à perdre les os. Je n'ai besoin d'aucune assistance dans ces cas-là. Je dois juste me prendre par la main pour expulser l'intruse. L'énergie de Lila s'avérant contagieuse, j'attrape avec fureur le beau marbre noir comme ébène. La terribilité de Michel-Ange s'empare de moi à nouveau. La maison résonne de mes coups de burin, le jardin des coups de pioche de Lila, des aboiements au loin accompagnent notre mélodie choquée. Mon visage est bientôt parsemé de tout petits points rouges qui sont autant de blessures engendrées par les éclats de marbre. Il faut dire que celui-ci est particulièrement sec, sonnant comme du métal, taillant comme du verre. Les tessons que je dégage sous ma pointe sont aigus comme des poignards. Mes mains, mes joues, mon front se constellent d'une forêt de minuscules étoiles carminées, mais qu'importe. J'ai chaussé mes lunettes à l'épreuve des balles, mes yeux sont en sécurité. Une odeur plutôt désagréable me monte aux narines à chaque percussion. Une puanteur proche de celle de l'œuf pourri que je me force à apprécier. Pour cela, je dissèque les sensations olfactives pour n'en conserver que les plus plaisantes. Ainsi, chaque marbre aurait le parfum caractéristique de son origine, de sa couleur. Moi qui croyais à l'uniformité en toutes choses, mon monde corseté s'ouvre encore un peu plus en produisant de légers craquements. Je me retourne, regardant les minéraux qui me font de l'œil, et je frissonne de plaisir à l'idée de faire voler leurs éclats dans tout l'atelier, à la recherche de la forme qu'ils contiennent, du parfum qu'ils exhalent. De mon marbre noir en attendant, sort un relief inattendu, un modelé au contour vaguement humain, comme si le nuage habituel s'effaçait aujourd'hui devant le visage d'un des habitants de la planète. Un nez, des yeux, un semblant de bouche, des oreilles. Une forme ovoïde, certes assez confusément anthropomorphe, mais d'où se dégage une évidence bien précise, je suis, pour la première fois de ma petite vie, engagé dans un processus de création à caractère figuratif. Sans recul sur la chose, je ne parviens pas à l'apprécier de façon définitive. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Aucun des deux? Serait-ce le visage de Lila? J'ai beau le regarder dans tous les sens, exécutant des contorsions de tête compliquées, je reste dans l'imprécision. La forme serait plus proche d'un visage à la Brancusi que d'un buste de Houdon. Toujours des comparaisons, bien sûr. Je vais chercher mon cahier pour consigner mes réflexions à ce sujet. Aux premiers âges, à quelles œuvres antérieures les artistes ont-ils bien pu comparer leurs sculptures? À coup sûr, à des formes présentes à l'état brut dans la nature, de tout type, humain, animal, végétal, minéral. Car, pour le grand déplaisir de l'artiste qui, malgré ses illustres aïeux, se croit unique, vrai, pur, seul, le spectateur n'a de cesse de comparer l'objet de son attention à du préexistant. Nous avons besoin de repères pour nous rassurer. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, les artistes novateurs rencontrent rarement le succès de leur vivant. De qui les rapprocher, tremble l'observateur. Quand le créateur meurt, il rentre dans le patrimoine. Devient un contemporain des dessinateurs de bisons, des modeleurs de femmes à gros tétons, de Phidias, de Victor Hugo ou de Chopin. On peut alors, sans craindre son intrusion de chair dans nos vies, prendre le temps de digérer, puis considérer son œuvre en toute quiétude, pour décider si oui ou non elle est digne de nous, avant de la jeter dans le lieu étrange de nos mémoires ou de la ranger dans le grand classeur de nos futures références. Je ferme mon cahier sur cette phrase d'une grandiloquence qui me plaît, pour retourner à ma sculpture, désireux de ne produire que du Miloche, afin de devenir à mon tour l'initiateur d'un style auquel les êtres humains pourront se raccrocher. T'as vu ce marbre? On dirait un peu du Miloche, diront les mutants de la planète dans quelques millions d'années. Je pouffe tout seul sur ma mégalomanie, songeant alors que lorsqu'un homme parvient à se trouver lui-même plein d'humour, il a encore de beaux jours devant lui, s'il n'est pas difficile. Cela aussi je le consigne en vue de ma grande œuvre littéraire. Je ferai le tri. Le temps passe vite en compagnie du marbre. Quand des plaintes se font entendre au-dessous de mon sternum, je penche la tête vers un estomac implorant qui me supplie de m'occuper un peu de lui. quand je vous parlais de l'homme libre. » Je tends l'oreille vers le jardin, d'où je crois toujours percevoir des coups sourds. Disons plutôt que je les devine. Avouons même que je les invente, car plus je me concentre sur ce que je voudrais entendre, moi je suis sûr de moi. Lila doit être déjà loin. Je mets le feu sous une marmite contenant une grosse soupe de légumes express que je viens de préparer en une pincée de minutes. Je tends pêle-mêle végétaux, sel, poivre et herbes, chef d'orchestre au milieu d'un nuage de senteurs, avant de sortir à la recherche de ma travailleuse de force. Dans mon dos, les dernières touches de thym volettent encore lorsque j'entame ma descente dans la galerie où résonnent bientôt des coups très lointains. J'ai enfourché ma bicyclette aux pneus renforcés, aux phares puissants, pour partir à la recherche de Lila. Nul risque de me tromper de route, il n'y en a qu'une, et la vie est facile à ce stade.